Un arme fatale. Il était question hier dans l'émission concernant l'arme fatale. Lol. D'un cinquième épisode, et bien sachez qu'après moult recherches et une investigation de dingue, j'ai trouvé des infos concernant cet épisode qui pourrait bien voir le jour. Voilà, le scénario. Rix doit résoudre une affaire, mais il ne peut pas le faire tout seul. Donc, il va tenter de convaincre un certain Murtaugh de le rejoindre pour résoudre cette enquête. En fait, c'est à suivre. Voilà. Et je pense que, perso, je serai un petit peu trop vieux pour voir ces conneries. Bon, t'es prêt? À deux, on dit que c'était une super émission. À deux? D'habitude, c'est toujours à trois. Ouais, mais là, on n'a pas le temps. Sinon, le répondeur, il va couper. Ah, ok. Bon, un, deux. C'était une super... Ah, mais votre émission sur Starsky et Hutch d'hier, c'était trop bien! Ça m'a rappelé toute ma jeunesse! Starsky et Hutch, Starsky et Hutch, les nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien! To be or not to be, not to be. Alors ça y est, maintenant on envoie des milliardaires dans l'espace. Quand je pense qu'à 64 ans, l'URSS envoyait un chien là-haut, me dites pas que le niveau de la vie n'augmente pas. Hein. L'espace est devenu hors de prix. Surtout qu'il n'y a rien. Si tu cherches vraiment un endroit où il n'y a pas d'humains et pas de réseau, le camping dans les Cévennes, rapport qualité-prix, c'est vachement plus rentable. Hein. Franchement, Jeff Bezos, Elon Musk et Branson, ils sont un peu couillons. Hein. Ça se demandait comment ils ont fait fortune. En plus, ok, tu vas dans l'espace, mais tu peux même pas sortir. Les vacances en club, c'est déjà une petite défaite pour aller à la rencontre de l'autre. Là, tu peux même pas descendre du train. Ça n'a aucun intérêt. Alors, loin de moi l'idée de critiquer ce qu'ils font de leur argent. Hein. J'aurais leur moyen, je ferais sûrement tout un tas de trucs chelous. Je fais déjà n'importe quoi avec ce que je gagne. J'ai acheté Ring Fit Adventure pour faire du sport avec ma Switch, dont un qui suis-je pour critiquer. Mais hier, alors que les gens faisaient exploser Doctolib pour se faire vacciner après que le président leur ait dit que sinon Fast and Furious 9 et les demi en terrasse étaient finis, qu'on nous annonçait que le recul inéluctable du départ à la retraite, une réforme inévitable de l'assurance chômage, je pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait trois types sur la planète en train de se demander quelle paire de chaussettes emmener dans l'espace. C'est peut-être ça le vrai luxe, pouvoir se rendre dans un milieu sans gravité, avoir les moyens d'aller là où rien n'est grave. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Björk, it's nice to meet you. Now I've been saying Björk all my life and now I'm told that it's Björk. Björk. Björk. Yeah. Okay. So does it annoy you when people say Björk? No, it's actually quite entertaining that there are about 500 versions of my name and it surprises me every day. So Björk. Björk. Björk. It's, think of jerk. Think of jerk. Like if someone is a real jerk. A real jerk. And then you just say björk. Rares sont les artistes qui apparaissent dans le paysage musical mondial déjà formés, totalement singuliers dans leur démarche et leur production. La chanteuse islandaise Björk en fait partie. Musicalement, esthétiquement, vocalement, Björk ne ressemble à aucune autre. Et parler de génie pour elle n'est pas un euphémisme. Pour évoquer cette artiste qui a derrière elle plus de 20 millions de disques vendus, j'ai à mes côtés Sophie Rosemont, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste, auteur de Girls Rock, paru aux éditions Nil. Exactement. Avec nous également Mathias Augustiniak et Michael Amzalag. Bonjour. Bonjour. Vous êtes designer fondateur du studio M&M à Paris et vous êtes collaborateur de Björk. Oui. Avec nous également Martin Guerpin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes musicologue à l'université Paris-Saclay et vous dirigez actuellement un numéro spécial de la revue canadienne Circuit qui sera consacré à Björk. C'est ça. Ensemble, on va retracer de manière non exhaustive la carrière de Björk. On tentera de comprendre sa conception de la musique, du chant. On parlera de certaines de ses collaborations. Bref, pour résumer et pour faire vite, pendant une heure, on va se mettre bien en écoutant Björk. When I was a kid, I would walk a lot outside. Quand j'étais tout enfant, je marchais seul longtemps et souvent. To school and everywhere. So I would just be singing and it slowly. And then when I was je chantais pour moi-même et puis petit à petit. When I was 13, I would be in a punk band. À l'âge de 13 ans, j'ai chanté dans un groupe de musique punk. So it just slowly developed. C'est donc venu petit à petit. I've been singing for a long, long time. So I had a lot of time to discover my voice. Ça fait très, très longtemps que je chante et que je suis chanteuse. Alors j'ai eu le temps de découvrir ma propre voix. Je rappelle que vous pouvez réagir à cette émission en laissant un message sur notre répondeur 01 56 40 30 20. Aujourd'hui, l'émission Blockbuster est consacrée à Björk. Et Sophie Rosemont, je me tourne vers vous pour vous poser une question d'introduction. Qui est Björk ? Vous êtes sympa avec moi. Je sais mettre à l'aise. Hein. Oui, c'est ça. Qui est Björk ? Eh bien, Björk est une artiste très complète, avant tout une chanteuse, avant tout une voix, comme on peut l'entendre depuis tout à l'heure. C'est aussi une personnalité de beaucoup d'humour, beaucoup de tragédie aussi, qu'elle s'est incarnée à sa manière. Beaucoup ont dit d'elle que c'était une icône du post-moderne, sans quoi c'est pas tout à fait faux, mais en vrai, Björk aurait pu exister il y a 5 siècles et elle pourrait exister dans 3 siècles. C'est en tout cas une des chanteuses pop au sens large, je dis bien au sens large. Oui, parce qu'elle est très difficile à classer. Une des plus intemporelles, mais c'est ça qui est le plus merveilleux, c'est-à-dire qu'elle incarne l'hybridité dans toute sa splendeur. L'hybridité de la poésie du 19e, c'est Björk, par exemple. Enfin, c'est quelque part c'est une réincarnation d'un Mallarmé façon musique aujourd'hui. Donc oui, c'est une chanteuse. Eh bien, pour quelqu'un qui n'était pas prête à la question. Non, mais le problème, c'est qu'après. C'est vraiment fort. Hein. Voilà, je me lance. Non, mais vous avez raison. Non, mais après, il faut que tout le monde parle. Mais, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je dirais. Qui est Björk ? C'est ça. Et est-ce que Björk est... Ça, c'est une question que je pose aussi même à tout le monde. Est-ce que Björk est vraiment un être humain comme vous et moi ? Et qu'elle a quand même un côté extrêmement stellaire. Bon, je dirais pas lunaire, stellaire, c'est vraiment... En fait, c'est une étoile. Elle porte bien ce terme. Enfin... Ah, il y a Martin Guerpin qui opine du chef et qui dit oui, je suis... J'opine, oui. Et enfin, je peux rebondir sur le... Enfin, ouais, c'est une chanteuse. Ça, c'est... Et quelle chanteuse ? Mais je trouve aussi que c'est aussi une musicienne et puis on peut généraliser encore plus en disant que c'est une artiste, parce que ce qui me fascine chez elle, c'est que elle fait beaucoup plus que chanter. Justement, elle est compositrice de pas mal de ses chansons, avec une manière de composer pas forcément super académique. Donc c'est moi l'universitaire qui dit ça, mais on n'est pas obligé d'être académique à l'université, hein. Et elle écrit pas mal de textes. Elle arrange beaucoup, c'est quelque chose qu'elle met pas mal en avant aussi et qu'on voit pas souvent. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a une musicienne qui n'est pas justement la chanteuse qui va faire la potiche très jolie qu'on va regarder comme ça. Elle est beaucoup plus que ça, en fait, quoi. Et elle est, enfin, je dirais vraiment que c'est une artiste. Alors on dit souvent artiste totale, et en fait, c'est on parlait du 19e siècle. C'est une mère nourricière, même, comme elle a déjà dit elle-même. Une mère nourricière en studio. C'est ça, donc c'est vraiment impressionnant. Moi, comme musicien même, je suis vraiment impressionné par ce qu'elle fait sur plus de 20 ans, en fait, même beaucoup plus, en fait, mais depuis le début de sa carrière solo, c'est vraiment impressionnant, quoi, comme musicienne. Mathias Augustiniak, Michael Amzalak, avant de travailler avec elle, est-ce que vous étiez déjà sensible à sa musique ? Je veux dire de loin. Moi, enfin, Michael m'avait fait découvrir les Sugar Cubes, que j'avais trouvé extrêmement, c'était séduisant et fascinant comme musique. Après, un des premiers groupes. Oui, c'est son premier groupe. Et c'était un son, c'était hors du commun. En plus, elle était vraiment dans un groupe à l'époque, et c'était pas que elle, c'était tout un groupe de gens autour d'elle qui fabriquaient de la musique. Et déjà, c'était incroyable. Et qui fabriquait une musique qui était déjà en dehors des sentiers battus. On n'était pas vraiment dans les canons de la pop traditionnelle avec une musique très formatée. Il y avait quand même une idée d'avoir un propos un peu irrévérencieux, un peu punk. C'était punk, mais c'était très très musical. Et après la deuxième vague de Björk, enfin qu'elle a eue sur nous, c'est que c'est une femme d'un charme extrême. C'est-à-dire que elle est musicienne certes, mais elle est extrêmement séduisante dans le sens où on ne peut pas tomber amoureux, enfin dans le mais sens d'ailleurs ça nous a frappé en préparant cette émission, c'est aussi quelque chose qui se dégage. Alors on sait que sa voix peut être envoûtante par le chant, mais même dans ses interviews, dans sa manière, ouais, de cette petite voix de d'attaquer certaines voyelles, il y a vraiment quelque chose de l'ordre, oui, de la fée, de l'elfe, qui effectivement qu'on peut interroger. On peut se dire, est-ce qu'elle est effectivement humaine? Il y a quelque chose de après, très après elle est tellement humaine qu'elle en devient extrêmement puissante. C'est ça sa force, quoi. Donc après, toute sa force est canalisée dans sa musique. Et donc c'est Michael qui a commencé à être fan de Björk avant même Mathias. On n'a jamais eu un rapport de fan avec elle. Donc, moi, j'aimais beaucoup les Sugar Cubes à la fin de mes études. Et après, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'apparition de sa carrière. Et après, j'aimais beaucoup le premier album, j'aimais moins le deuxième. Et j'attendais le troisième quand il est arrivé. Et c'est à ce moment-là où on s'est rencontré avec Mathias. Ça s'est cristallisé autour de la sortie d'Homogénique. Et puis, peu après, elle nous a contactés. Et on a eu la chance de voir et de vivre de l'intérieur tout ce qui s'est passé avec elle depuis plus de 20 ans. Toutes ces métamorphoses, en fait. Elle était arrivée à un point où elle a basculé d'une chose où on pensait que c'était quelqu'un, justement, d'immatériel ou d'électronique. On la comparait souvent à quelqu'un d'immatériel. Et la transition qu'elle nous a demandé de faire, c'était comment devenir une femme, mais une femme, voilà, dans toutes les dimensions que ça comporte dans le monde d'aujourd'hui. Et c'était l'album Vespertine. Donc elle s'était montrée vulnérable. Elle se amoureuse. Enfin, elle se livrait complètement. Enfin, cet album, c'est une espèce de pierre. C'est un album qui la montre sous un jour complètement différent. Ouais. Et même au niveau graphique, on a entrepris une autre façon de la montrer. Tout d'un coup, elle était charnelle, elle était sensuelle. On avait dessiné ce signe par-dessus qui était un référent à la façon dont il y a une peinture de Léonard de Vinci où Freud avait dessiné un signe par-dessus. Donc on était là à triturer les signifiants. Des signifiants et une autre approche. Sophie Rosemont, Björk a eu quel environnement familial? En tout cas, elle a commencé très tôt à chanter. Oui, parce qu'elle a été connue en Islande mais dès son plus jeune âge. 11 ans. Mmh. 11 ans, premier album. Des reprises de chants tradis irlandais, quelques compositions déjà. Et en fait, avant les Sugar Cubes, elle était dans un autre groupe qui est un groupe de punk. Alors, je sais pas du tout comment ça se prononce. Voilà. Donc, merci. Et c'était une enfant star, quelque part, en son pays. C'est vrai qu'en Islande, ils sont, pour eux, Björk, c'est pas que depuis. Enfin, c'est bien bien avant, c'est vraiment une figure très importante de la scène artistique islandaise, donc très encouragée en tout cas par ses parents, environnement artistique Oui, sa maman était musicienne et puis elle a fait aussi le choix de devenir hippie, dans une communauté hippie. De toute façon, ça se ressent dans les chansons de Björk, et là je rebondis, alors je dévie un peu, mais je rebondis sur ce qui a été dit là sur la femme puissante. C'est vrai que Björk, c'est là tout le monde. Enfin, le mot féminisme est un mot qui est devenu très important. Björk, elle incarne depuis le tout début, mais c'est vraiment, ça fait partie d'elle. C'est pour elle la femme, justement la puissance sacrée de la femme. Elle l'incarne de mille façons différentes, en étant multi-instrumentiste, en écrivant aussi, parce que moi j'ai toujours été assez sensible à ses textes, en étant une mélodiste hors pair. Donc là-dessus, comment on peut Comment on peut résister? Mais en tout cas, oui, pour revenir sur son enfance, elle le disait au tout début, c'est aussi une enfance bucolique. De toute façon, le rapport au temps et à l'espace n'est pas tout à fait le même dès qu'on est dans un territoire, on va dire, insulaire. Alors, elle, c'est vraiment les mille possibilités d'une île, en fait, Björk. Et j'imagine qu'elle avait aussi dès la tendre enfance un côté contemplatif, oui, qui lui permettait d'absorber ce qui était autour d'elle. Mais c'est quelqu'un d'aussi de très engagé, hein. Son père était un syndicaliste. Après, ça, c'est des choses. Après, on n'est jamais rentré profondément dans son. Enfin, elle sait être gardée une distance par rapport à sa intimité, mais c'est quelqu'un de fort et d'engagé. On va y venir. Nous sommes toujours en compagnie de la journaliste Sophie Rosemont, des designers Mathias Augustiniak et Michael Amzalag, et du musicologue Martin Guerpin pour parler de Björk, que l'on écoute tout de suite avec It's All So Quiet, tiré de l'album Post, sorti en 1995. So quiet, shh, shh, it's oh so still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall. About a guy you wanna love, you wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet. It's All So Quiet de Björk dans Blockbuster sur France Inter. Well, first when I write a melody, it usually is in some sort of gibberish, which is just my language. Non, disons que quand je commence à écrire, c'est plutôt dans ma propre langue, dans ma langue à moi, ma langue maternelle, que les mots me viennent. So it's probably more about noises. Donc c'est plus des bruits, c'est plus sonore. And then later I usually find the words. C'est ensuite que je trouve les mots qui vont sur ces émotions. Guerpin, vous vouliez revenir sur l'histoire du groupe Sugar Cube. Oui, avec mon discours d'escalier, mais c'est en écoutant So Quiet que tout ça est venu. C'est que, bon, on a quelque chose qui est très jazz, parce que ça pourrait être les arrangements, ça pourrait être des arrangements type ce qui était fait pour Sinatra, par exemple. Donc, Björk et le jazz, c'est en fait une longue histoire, hein, parce qu'il y a un album de 90 qui s'appelle Glingo, qui est vraiment des covers de jazz avec trio jazz derrière. Et ce qui est dans les groupes qu'elle a eu même avant Sugar Cube, il y a un groupe qui s'appelle Exodus, elle a fait carrément du jazz fusion dans les années 80, où c'était vraiment l'époque de ça. Et ce qui me frappe aussi dans tous ces groupes qu'elle a eu avant, alors il y en a un autre que j'aime bien citer parce que c'était à 16 ans, c'est un groupe de filles de punk là, qui s'appelle Spit and Snot. Donc si on regarde dans un dictionnaire anglais, on se rend compte que ça veut dire crachat et morve, donc c'est pas très Covid, mais en tout cas, il y a quelques vidéos de ça qui circulent sur le web, et ce qui est fascinant, c'est sa présence scénique en fait, c'est une bête de scène quoi, dès l'époque quoi. Et il y a la présence vocale qui va avec. Et je voulais juste souligner ça, c'est qu'elle est. On parle d'une musicienne, une chanteuse, mais aussi c'est une actrice. Une actrice, oui. Elle a une présence incroyable, quoi. Alors par sa voix, ou parfois pour le jazz, peut-être ça pousse un peu trop, mais elle a une voix, elle est capable de tout faire avec cette voix-là. Et ça aussi, revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très impressionnant. Michael Amzalag, vous disiez que It's Oh So Quiet, c'était une des chansons qu'elle aimait le moins. Ben, je sais pas, c'est pas qu'elle l'aime le moins, mais en tous les cas, c'est celle qu'elle aime pas mettre en avant, parce que c'est une des rares qu'elle a pas écrit. C'est un exercice de style, celui d'une reprise d'un morceau des années 50, que je crois, si je me trompe pas, qu'elle a surtout fait pour faire plaisir à Spike Jonze, qui a réalisé le clip, qui rêvait de faire une comédie musicale. Donc c'est. Il y a des gens qui savent faire des cadeaux quand même. Oui, voilà. Mais par exemple, quand on a réalisé sa compilation en 2003, Greatest Hits, It's So Quiet n'apparaît pas dans le tracklisting, par exemple, alors que c'est un des morceaux le plus populaire. Oui, avec Bachelorette, c'est les deux morceaux qui revenaient le plus souvent dans la liste des chansons préférées. Et alors, en 92, elle produit son premier album officiel, parce que elle avait déjà sorti un album quand elle était enfant, donc avec des reprises. Le premier album officiel, c'est Début, à Londres, avec Nelly Hooper, le producteur de Massive Attack. Sophie Rosemont, comment a été reçu ce premier album ? Oh bah plutôt bien. Plutôt bien. Bah ça a été quand même une révélation. En tout cas, moi c'est avec cet album que j'ai découvert. Il y avait une énorme anticipation. Beaucoup d'attentes puisqu'elle avait déjà été identifiée dans le groupe comme étant vraiment une personnalité qui était unique et atypique. Il y avait une anticipation et l'album était sorti en étant annoncé par une succession de remixes avant que les morceaux ne sortent dans leur version originale. Il y a toute une série de remixes qui étaient sortis de manière sporadique et qui avaient créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anticipation, je m'en rappelle. Et c'est vrai qu'on associe souvent Björk à l'Islande, mais c'est aussi, une artiste voilà, qui a passé beaucoup de temps en Angleterre, beaucoup de temps à Londres. Et cet album, il tient autant de ses racines islandaises qu'aussi à ce qu'elle a entendu et au son qui était le son londonien de l'époque. Bah les deux premiers, je dirais, sont plus londoniens qu'islandais. C'est au moment de Homogénique que ça redevient plus islandais, que ça se connecte plus à la terre. Et ensuite, il y a des périodes. Il y a la période londonienne, il y a la période islandaise. Après, à un moment, pendant une partie de sa vie, elle va habiter à New York durant sa relation avec Matthew Barney. Il y a même l'album Volta qui part en Afrique. Enfin, oui. C'est là où ce qui est très très important chez Björk aussi, c'est le côté local et global. Et pas pour provoquer ou pas pour, c'est pas un jeu de mots, c'est-à-dire que elle habite la planète. Enfin, ça l'a toujours concerné. Dans ce sens-là, qu'elle est extrêmement humaine, ou ça l'a toujours intéressé d'intégrer qui elle est, mais en se mélangeant avec les autres. Et alors là, je m'adresse aux professionnels de la musique autour de cette table, parce que quand j'ai découvert Björk, ce qui m'a toujours frappé, c'est que contrairement à d'autres artistes où on a vraiment une sorte de dissociation entre le texte, les chansons et la musique, chez elle, on a l'impression qu'il y a une sorte d'harmonie où sa voix devient un instrument supplémentaire et les deux se mélangent pour au bout d'un moment créer quelque chose d'hybride. Est-ce que c'est juste mon interprétation ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a voulu? C'est quelque chose qu'elle a voulu, c'est notamment le cas de... Enfin, il y a un exercice très précis autour de ça, qui est le cas de l'album Medulla, qui n'est composé que de voix, où elle décide de n'utiliser que la voix humaine comme instrument. La voix humaine elle est électronique pour la manipuler, mais il n'y a que... Oui, voilà, donc... Oui, c'est quelque chose qui est manifeste chez elle. Il y a aussi un truc qui est super particulier, je trouve, c'est que Martin Gard, on a, il y a un compte. Enfin, elle a souvent des rythmiques super carrées, alors pas toujours régulières, c'est ça qui est, parce que il y a un moment où ça déconnecte de la danse. Mais c'est ça qui est super intéressant, ça devient vraiment de la musique à écouter. Mais par contre, elle a une façon de flotter là-dessus. C'est-à-dire, c'est un phrasé un peu comme en jazz, on dit, on fait du laid back, c'est-à-dire qu'on, là, en fait, elle suit vraiment le rythme du texte. En fait, si on écoute un peu. Avec une culture un peu classique qu'elle a, parce qu'elle est formée à la musique classique en flûte et en piano, et puis il y a plein d'éléments de son œuvre où elle a collaboré avec des musiciens classiques, avec orchestre et tout. Et en fait, on est souvent très proche d'un récitatif d'opéra. Enfin, évidemment, c'est pas le même son, c'est pas la même musique, mais je trouve sa façon de placer sa voix sur, en fait, récitatif d'opéra, le chanteur ou la chanteuse débite le texte et l'orchestre plus ou moins suit, quoi. Et en fait, on a un peu ça. Ouais, mais avec un côté folk aussi. Parce que, ouais, oui. Parce que justement, les textes sont hyper importants et les, dans le folk, la musique et le texte s'auto-nourrissent. Et je crois qu'au contraire, il y a un côté très collectif. La métaphore de l'opéra, elle est sans doute plus proche de l'idée de l'art total et du fait qu'elle intervient sur tout. Et que il y a du folk orchestral. Oui, non, mais du fait qu'il y a l'image, il y a la scène, il y a le son, il y a le personnage, il y a comment le personnage est habillé, il y a la présence de ce personnage, il y a la puissance de sa voix, et que tout ça, c'est effectivement de l'ordre d'un opéra. La dernière fois qu'on l'a vu Mathias au Augustiniak. La dernière fois qu'on l'a vu au Shed à New York, c'était un vrai opéra qu'elle interprétait. Et la dimension opératique dans son œuvre, elle est là où c'est que régulièrement, elle rafraîchit son personnage principal. C'est jamais Björk, en fait. Björk qu'on décrit, qu'on peut connaître ou qu'on rencontre en Islande, c'est pas la Björk qu'on va rencontrer à travers tous ses albums. Donc c'est sa force aussi, c'est comment, en image, rendre compte de ce qui se passe musicalement. C'est une des premières, ou peut-être une des rares musiciennes qui arrive à fusionner les deux, l'ensemble. Ah, le folk, c'est le folklore, et je trouve justement que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, elle épouse aussi les folklores, pas seulement de son pays natal, mais de bien des endroits. Enfin, le folklore, je dis dans la plus belle beauté de ce terme, oui, attention. Elle met en valeur les singularités de là où elle est. Ouais, de là où elle va et de ce qu'elle imagine aussi. C'est une phrase aussi, que je suis incapable beaucoup de répéter. Non, mais il y a aussi beaucoup d'imaginaire chez elle. Il y a une grande poésie. Je crois qu'il y a aussi. Je crois que ce mot est très important quand on parle de Björk, à mon avis. C'est la poésie. C'est la poétique, d'ailleurs, plus précisément. Mais les deux ne sont pas contradictoires. Mais c'est important de dire qu'à chaque fois, c'est un nouveau personnage qu'elle crée et c'est une nouvelle phase. C'est pas elle qui parle. Enfin, c'est ça. C'est pour ça que cette dimension internationale est presque. C'est comme une image que chacun peut s'accaparer ou peut habiter. C'est dans le sens où c'est le contraire du chanteur folk qui va raconter toutes ses histoires et ça sera toujours lui pour lui ou pour les autres. Mais elle propose quelque chose qui est à l'extérieur d'elle-même. Il y a peu de folklore. Enfin, Dylan, pour le coup, a inventé beaucoup de personnages en étant rattaché, entre guillemets, au folk. C'est dans son par exemple. On propose de continuer dans le débat pendant la chanson. Oui, on digresse complètement là. On digresse. En 97, l'album Homogénique est sorti avec notamment un titre intitulé Hunter. On l'écoute. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax, Cyril Marchand et notre stagiaire Robinson Radonac et notre stagiaire réalisation Véronica Meyer. Et aujourd'hui, à la technique, Michel Bézikian et au mixage, Benjamin Troncine. If travel is searching and home what's been found, I'm not stopping. So you left me on my own to complete the mission. Now I'm leaving it all behind. I'm going hunted. I'm a hunter. I'm going hunting. I'm the hunter. I'm the hunter. C'était Hunter tiré d'Homogénique, sorti en 1997. Blockbuster sur France Inter. Ça fait 5 ans que j'anime cette émission, donc je sais très bien que tous les goûts sont dans la nature. Cependant, il m'arrive encore d'être surpris quand j'entends que Björk, eh bien, il y a des gens, ils aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. Un concert de Björk, c'est du visuel avant tout. Des lasers verts, une explosion de paillettes argentées, des musiciens aux tenues fluo et une princesse islandaise aux pieds nus. Je me suis ennuyée du début jusqu'à la fin. Pas assez folklore à notre goût en tout cas. On l'imaginait plus barré que ça et finalement c'était assez conventionnel entre guillemets par rapport à ce qu'on peut attendre de Björk. Bon déjà, je trouve que Björk a pas, pour moi, elle a pas composé une chanson mémorable depuis. Depuis son troisième album, Homogénique, et j'ai regardé la date, ça me fait très peur, c'est quand même 1997. Et donc elle a cette voix complètement en avant, qui est, elle est comme une gamine qui s'accroche et qui essaie de convaincre qu'il faut faire ce qu'elle fait. Moi je n'entends plus sa voix, tellement elle est en boucle avec ses tics. Et là je trouve que c'est le typique de l'emballage qui dépasse le contenu, si vous voulez. Alors cette histoire de, on a fait des tablettes, des iPads, des trucs, tout Apple... on a cherché des mathématiques dans les galaxies, etc. Ça devient comme une excroissance, si vous voulez. Et le but premier, qui est de faire des chansons et de la musique, est complètement éteint, dépassé, englouti par ce propos. Ça fait 10 ans que j'ai pas pu écouter un disque de Björk en entier, en tout cas rentrer dedans. Un mauvais moment à penser. C'était un extrait de la dispute diffusée en 2011. Sophie Rosemont, vous connaissez cette émission? Je sais qui est le méchant garçon là que j'entends et on, nous sommes évidemment pas du tout d'accord. Mais oui. Donc que dire sur ces critiques et... Bah en fait, il y a rien à dire. Il y a un moment donné, si on pense que le but de faire de la musique, c'est de la faire de la musique, on est à côté de la plaque, en fait, je pense. Après, je connais pas du tout la dame qui parlait. C'est absolument pas personnel de ma part, et je vais pas critiquer des critiques, mais. Nous on le fait souvent. Après, hein. Voilà, ça nous gêne pas. Moi, du je tout. Suis quelqu'un qui aime le travail de Björk depuis toujours. Alors évidemment qu'il y a des albums que j'aime plus que d'autres. Heureusement d'ailleurs, c'est comme ça qu'on reçoit l'art, quel qu'il soit. Mais je ne pense pas du tout qu'elle ait des tics. Je ne crois encore moins le fait qu'elle aille chercher en gros midi à 14h et que ses recherches de complexité éfeintent et étouffent le propos musical. Au contraire, ça l'enrichit. C'est, enfin, dans l'histoire de la musique, depuis le début, parmi les plus grands albums, c'est des albums où il y a aussi une narration, où il y a aussi des interférences. Et Björk, c'est une artiste des correspondances. Enfin, et que les correspondances, bah, je disais, c'est Baudelaire. Donc ça fait 2 siècles. Donc dans ce cas-là, Baudelaire, c'est nul, ça fait chier tout le monde parce que c'est trop compliqué. Bon, bah, moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis que le messager, hein, absolument non, mais pas. Il faut regarder son travail comme une œuvre. Donc c'est aussi complexe qu'un monde. Donc c'est comme dire, voilà, il y a des gens qui se plaignent tout le temps que le monde n'est pas drôle, etc. Sauf que c'est, le monde est complexe. Le monde est complexe. Et c'est l'intérêt de Björk, c'est qu'elle a vraiment réussi à construire un monde. Je pense qu'une part... votre truc en disant le monde est complexe. Non. Je me suis rendu compte que j'avais l'air bête. Non, pas du tout. Non, mais les auditeurs s'en sont rendus compte. J'ai senti des ondes. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'il y a une partie de ces critiques qui font plus l'état d'une espèce d'incompréhension de ce qu'elle est, ce qu'elle fait en fait. Parce que comme elle a frôlé avec le sommet de la pop musique fin des années 80, début des années 90, elle est encore regardée par une portion du grand public comme étant une artiste pop. Mais c'est pas une artiste pop. Elle se fout des canons de la pop. Elle a pas du tout envie de faire des chansons à succès. Mmh. Et elle est beaucoup plus expérimentale et elle est beaucoup plus attachée à creuser son propre sillon et sa propre œuvre. Donc à ce rythme-là, oui, elle a fait beaucoup beaucoup de choses avant beaucoup de gens et ça en énerve beaucoup. En fait, ce qu'on vient de dire, c'est drôle parce que c'est quand vous voulez casser un album, vous utilisez une formulation tic, et si vous aimez ce même album, vous allez dire c'est pas un tic, c'est du style, c'est son style. Et c'est vrai en fait qu'elle a des tics. Enfin, vocalement, si on écoute tous les albums, elle a des façons de phraser, des façons de faire timbrer sa voix dans l'aigu, un peu entre le cri et la voix. Mais ça crée une grande continuité, dans ses premiers albums, avant les albums solo, avant début. Mais comme disait Mathias, ce qui compte, c'est que ça fait une œuvre, tout ça. Parce qu'il y a un fil conducteur, c'est vrai, stylistique, dans sa vocalité, notamment. Mais en même temps, après, chaque album... Enfin, ça rejoint aussi ce que dit... je veux pas faire l'art de la synthèse, parce que c'est la mode politiquement en ce moment, chaque album est une proposition nouvelle, déjà. Et en fait, c'est vrai qu'il y a peut-être une coupure avec le grand public qui se passe. Enfin, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que dans le milieu... jazz, qui est parfois un peu exigeant, on va dire, et dans le milieu classique, il y a des compositeurs classiques, là, je vais en parler avec un compositeur qui s'appelle Régis Campo. Il est complètement fan de Björk, par exemple. Mais plutôt des derniers albums, en fait. Et les musiciens de jazz, pareil, s'y intéressent beaucoup. Oui, c'est-à-dire que la dimension expérimentale ou la recherche d'autres sonorités, un travail sur les instruments ou même juste sur la voix, comme elle a pu le faire, ça intéresse beaucoup plus des musiciens. Cela étant, moi, c'est vrai qu'au tout début, quand on m'a dit qui c'était Björk, je crois que c'était ça la question, j'ai parlé de chanteuse pop et je crois que la pop est expérimentale et elle n'est jamais aussi belle que lorsqu'elle est expérimentale. La pop, ce n'est pas que Miley Cyrus ou Britney Spears. Et je crois que justement, Björk, elle est au-delà même de. Comment dire, de la catégorisation, même d'un genre musical. Et quand j'entends pop, j'entends musique populaire. Et en fait, je crois que j'aime particulièrement dire que c'est une chanteuse pop parce que. De toute façon, populaire, c'est pas un gros mot. On la range trop souvent. Non, mais en fait, on la range trop souvent dans Björk, surtout maintenant. Chanteuse inaccessible, chanteuse exigeante, chanteuse compliquée. Et d'ailleurs, les critiques, on va dire, tournaient plus souvent autour de ce pot fêlé. Il n'empêche que je crois qu'au contraire, elle est hyper accessible. À qui veut bien l'entendre, en fait. C'est une œuvre totale. Et quand dans ses critiques, on parlait c'était le moment où elle avait inventé aussi, pour Biophilia, elle avait fait une application. Cette application est extrêmement brillante. Elle est collectionnée par le Design Museum à Londres et elle est au MoMA. Enfin, c'est une vraie œuvre. Donc, c'est pas une chose compliquée, désagréable et dégoûtante, comme on en a parlé. C'est la personne qui aurait pu se pencher sur le problème et regarder, elle est aussi compliquée qu'une harpe est compliquée. C'est-à-dire que c'est une vraie ingénierie musicale, une boîte à musique. It's always something new. You are never the same person you were the last time you sang. Il y a toujours quelque chose de neuf qui arrive. On n'est jamais la même personne. On change sans cesse et on n'est jamais la même personne qui chante. And also just emotionally to be able to feel more layers and more. Be more sensitive to details. Et puis, émotionnellement, on est plus sensible avec l'âge aux détails. On découvre plus de choses, on va plus profond dans les émotions. So it's a never-ending lesson. C'est donc une leçon de la vie qui ne cesse jamais. If you ever get close to a human, and you won't be Mathias Augustiniak, on a entendu Björk s'exprimer sur les différentes phases de sa vie, sur les moments où, suivant là où on en est dans sa vie, on change son interprétation, et ça correspond à ce que vous nous expliquez sur l'idée de différents personnages à différentes époques. Après les années 2000, il y a eu ce passage Dancer in the Dark de Lars von Trier, dans lequel elle joue et chante, et sa prestation a été saluée, mais elle dira avoir beaucoup souffert sur le tournage, et c'est ce qui a aussi, imprégné la musique qui est venue ensuite. Est-ce que vous l'avez ressenti aussi Moi, c'est un film que j'ai jamais voulu voir ou regarder parce que je sais que c'est un film où elle a eu beaucoup de... Enfin, c'est ce qui a été très compliqué pour elle. Moi, j'ai du mal avec Lars von Trier, mais je ne vais pas parler de lui aujourd'hui. Oui, beaucoup de monde. Donc, non, mais c'est pas... Voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, ce qui est important, c'était que... Avec Lars von Trier, c'était... Elle a toujours voulu faire un film musical. Elle a cette espèce de rêve et de désir. Donc je pense qu'elle avait commencé à penser à ça, puis elle a commencé à travailler sur ce projet, et elle pensait que ça deviendrait une comédie musicale, mais c'est devenu autre chose. Quoi. Oui, la comédie repassera. Ouais. Moi j'ai vu le film, et je ne suis pas un grand fan de Lars von Trier non plus, mais ce qui m'a frappé en voyant Dancer in the Dark, c'est que je ne sais pas si vous allez pouvoir confirmer ou affirmer ce que je dis, mais c'est qu'on a vraiment le sentiment à un moment donné d'avoir une artiste tellement talentueuse qu'elle vampirise l'œuvre d'un autre réalisateur. En fait, ce qui s'est passé sur ce film, et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce film, c'est que c'est quelqu'un qui est venu chercher chez elle ce qu'il n'avait pas. Donc c'est une grande artiste. Après, oui, elle a continué, après ce film, à vouloir faire ce qu'elle a continué à faire. C'est un opéra à l'échelle du monde, quoi. Donc c'est ça qu'elle a construit et qu'elle a pris confiance. C'est là où elle a pris confiance de ça. Je pense que ce que le film lui a apporté, c'est que elle s'est rendue compte, ou en tout cas, elle était sacrée meilleure actrice à Cannes. Et ça, c'était une chose incroyable. C'est-à-dire que voilà, c'était une vraie musicienne qui était une vraie actrice. Vraie actrice, et puis aussi les collaborations qu'elle a pu faire avec Jean-Baptiste Mondino, le réalisateur Michel Gondry. Il y a véritablement aussi cette idée de pôle, de phare qui attire des talents très très divers. C'est elle qui va les chercher. Oui, c'est elle qui va les chercher. Pas. Elle va chercher, c'est elle qui est la première... C'est elle qui fait le premier pas. Oui, voilà, c'est elle qui fait le premier pas, qui est toujours au fait de ce qui se passe et qui est la première à décrocher son téléphone pour signaler qu'elle a envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Donc ça veut dire qu'entre ces longues balades dans le pays où elle peut être au moment, elle se tient quand même très au courant de ce qui se fait visuellement, en termes même d'art contemporain. Elle est très pointue là-dessus. Je pense pas que c'est de cet ordre. C'est pas une acharnée de l'actualité qui va essayer de tout consommer pour savoir où se trouve le zeitgeist. Mais à l'inverse, elle est tellement à l'écoute de tout que dès que quelque chose de particulier émerge, elle l'entend, elle le perçoit. Sophie Rosemont, hors antenne, dans le questionnaire qu'on vous avait transmis pour préparer l'émission, vous nous disiez qu'il y avait certaines des démarches de Björk qui rappelaient celles de Madonna dans sa conception des albums. Ça, je pense que ça lui ferait pas plaisir. Alors, non. Alors ce qui est marrant, c'est que j'allais parler de Yoko Ono, là, mais... non, ce que j'ai dit et le fait de passer un coup de fil, ne pas accepter, mais de passer un coup de fil pour aller chercher, aller vers des collaborations, on va y arriver. Oui, parce que finalement, c'est deux versants d'une montagne qui vont pas se croiser. Mais d'un côté, on a une pop star qui est Madonna, qui est aussi une figure de l'hybridité, très clairement, qui a su s'inventer des personnages. Sauf que. Maintenant, je me souviens de ce que j'ai dit. Madonna, il y a quand même quelque chose très lié au corps. Et Björk, pour moi, c'est avant tout aussi un visage, au contraire. Donc, après, j'avais légèrement digressé lors de cette conversation. voilà. Mais ce que j'allais dire tout à l'heure, mais moi, c'est ma grande spécialité. Mais pour parler d'une autre femme, et c'est ce sur quoi j'allais réagir. Est-ce qu'on ne se reproche pas justement à Björk quand vous parliez justement de cette application de biophilia, par exemple, admettons, Neil Young lance une plateforme de streaming, enfin un truc autour du son, tout le monde trouve ça génial. Pognon. Comment ? Un peu mieux. Et quand Björk lance une application, on trouve ça trop compliqué. Quand Yoko Ono fait des performances et ensuite rencontre John Lennon, c'est la sorcière. C'est comme si... alors désolé, hein, la féministe de service, mais c'est comme si une femme ne pouvait pas toucher à plusieurs mains en même temps. C'est vrai. On pense que c'est un truc de, entre guillemets, de merde et trop compliqué. Je suis volontairement agressif parce que ça m'agace beaucoup ce rapport. Biophilia, c'est vraiment une invention magnifique. Je répète, c'était une boîte à musique céleste qui est... je pense que il n'y a pas d'autres choses qui ont été faites qui ont cette valeur et cette force. Et effectivement, il y avait un peu un mépris en disant, écoute-toi, contente-toi de chanter et d'aller sur scène et de te trémousser, ça suffira amplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que son aspect compositrice est rarement mis en avant. Mathias a raison, c'est dès qu'on dit que dès qu'une femme fait autre chose que de se mettre devant un micro et se contenter de chanter surtout les chansons des autres et de mettre un joli rouge à lèvres, un joli brushing, c'est dérangeant. C'était dérangeant dans les années 50, ça l'est quand même beaucoup moins aujourd'hui. Mais il n'empêche que là, quand on va un peu plus loin, quand on recherche des choses, on va dire que ce soit singulière, insolite, politique, on est hystérique, on est sorcière, on sert à rien. Kate Bush est aussi un super exemple. Kate Bush, on disait quoi ? Elle est enfermée dans sa forêt, à faire des trucs bizarres et des rites vaudous. Tout ça parce qu'elle avait eu, l'insolence de monter son propre studio. On a dit que c'était une idée de parti Peter Gabriel, ce qui était faux. Elle a arrêté de faire des tournées. Ah, c'est parce qu'elle a eu un enfant. Non, elle a eu 10 ans après. C'est juste qu'elle lui coûtait trop d'argent parce qu'elle était trop perfectionniste. Enfin, j'ai des milliards d'exemples comme ça. Et Björk, typiquement, en fait partie. C'est-à-dire que c'est une artiste complète. Et on a encore du mal à concevoir qu'une femme puisse être une artiste complète. Ouais, je peux rebondir là-dessus parce que dans... Rebondissez. Je rebondis. Je jump in the conversation. Mais parce qu'il y a un recueil de Björk de partitions qui s'appelle les 34 scores, donc des partitions, pas 34 sons, qui a été fait par le même graphiste que ceux de Biophilia, qui, je trouve, sont de très bons graphistes. Sans vouloir failloter. Mais quelle flabgornerie, vraiment. Non, mais en même temps, c'est le moment où jamais ils sont là. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'en lisant par rapport aux autres songbooks de tous les groupes qu'on aime bien pour quand on veut jouer leur musique. Les livrets, monsieur, on dit les livrets. Les recueils de chansons, parce qu'on écrit pour une revue canadienne. C'est hyper important, ce qu'il va dire. Dans le paratexte, il y a vachement mis en avant. Composé par Björk, c'est pas juste en bas du titre à droite comme d'habitude, c'est sur chaque page, on a arrangé par Björk, composé par Björk, et puis les autres collaborateurs, bien sûr. Et elle a fait une interview à ce sujet-là où elle dit, j'ai voulu, alors, as a soft feminist stance, donc en tant que féministe modérée, on va dire, elle a mis en avant ça. Mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas juste une chanteuse qui fait la potiche, là. Elle met en avant le fait qu'elle arrange, elle compose. Absolument, mais l'idée de ce recueil de partitions était de donner pour la première fois sa musique à pouvoir être rejouer, interpréter, puisque sa musique n'avait jamais été disponible sous la forme de partition jusqu'à cette date-là. Mais c'était aussi une manière d'insister sur sa position de compositrice. Voilà. Et c'était quelque chose qui a été dit aussi et qui a été énoncé. Comme l'image, on a même fait traiter de manière assez conservatrice graphiquement dans la couverture, où l'image qu'on a prise est une image un peu de l'ordre du cliché, et où ça allait dans ce sens. Eh ben, je propose qu'on termine cette émission qui a évidemment été trop courte parce qu'il y aurait encore des tonnes de choses à dire sur Björk, mais vous connaissez le principe de Björkbuster, c'est une heure et entre les chansons et tout ça, ça prend du temps. Donc je vous invite surtout à écouter Björk. Björkbuster, c'est 2 heures, non, aujourd'hui? Mais oui, j'aimerais que ça soit 2 heures. Non, mais Mickaël avait dit un truc super qu'il faut qu'il dise maintenant surtout c'est la fin. C'est face ses derniers albums, alors que l'intimité, là, c'était vachement bien, là, hors antenne, ce que vous aviez dit, Mickaël. Écoutez, je suis très fort pour leur antenne. On le dira hors antenne et je le dirai ensuite aux éditeurs via internet. Sophie Rosemont, Mathias Augustiniak, Mickaël Amzalag, Martin Guerpin, merci. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou en parler sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. I think the real it's easy to be utopian. Je crois que c'est facile d'être utopique. And try to establish a dream that doesn't exist. C'est facile de vivre dans un rêve et loin de la réalité. And it's easy to do just music about the reality. C'est facile aussi de faire la musique uniquement sur la réalité. But the real challenge is to combine the both worlds and see them coexist. Le pari, c'est d'arriver à faire coexister ces deux mondes et à faire qu'ils fonctionnent l'un avec l'autre. On se quitte en chanson, non pas avec Björk, mais avec Pascal Danaé et son groupe Delgrès, que personnellement j'adore. Il y a peut-être plus de soleil dans cette musique, mais pas moins de passion. On écoute Aléa. C'était Aléa de Delgrès sur France Inter. Demain dans Blockbuster, une bande d'écologistes qui ferait passer Greta Thunberg pour une vendeuse de SUV. Un héros nommé Claude, très dépressif car c'est lui qui doit sauvegarder tous vos fichiers. Un méchant avec une très très grosse épée qui révèle peut-être un certain besoin de compenser quelque chose. Un jeu où le métier de fleuriste est une profession à risque. Demain, on parle de Final Fantasy VII. France Inter.